Chapitre 2. Portrait que Chateaubriand trace du ministre anglais. Comment John Hawes fut pourvu du vicariat de Sainte-Margaret. Pauvreté de la paroisse, elle n'en convient que mieux à John Hawes. La saison de Bungay, les Assemblées Rooms. Prédiction pessimiste de Chateaubriand sur l'avenir de l'Église anglicane. La maison de John Hawes au bas de Bridge Street. Sa ressemblance avec telle ferme américaine décrite dans les mémoires. Il en était du clergé anglican du XVIIIe siècle comme du clergé français de la même époque. Ses membres n'étaient pas tenus à la résidence, beaucoup étaient titulaires de 3 ou 4 paroisses à la fois, c'est ainsi que Ben Sparrow, le recteur de Beccles, était par surcroît recteur de Kettleburg, de Kelsall et de Torrington, vicaire perpétuel de Reddisham et incumbent ou bénéficier de Great Reddisham. Cette anomalie avait frappé Chateaubriand, pour qui le type idéal du prêtre, le seul qui trouva grâce devant ses yeux, était resté le curé breton, tel qu'il l'avait pratiqué dans son adolescence, vivant au milieu de ses ouailles, confident de leurs joies et de leurs peines, partageant presque leur indigence. Mes compatriotes, déclare-t-il dans l'essai, détesteront un ministre distant, qu'ils n'apercevront qu'un moment chaque dimanche. Ils demandent un curé populaire, qu'ils puissent adorer et couvrir d'injures. Or, rien de moins populaire que le ministre anglais. Le ministre anglois, riche et homme du monde, ne se rapproche pas assez du peuple. À peine ses paroissiens le connoissent-ils. L'abus de non-résidence est aussi au grand détriment de la religion. Un ministre va desservir en hâte 2 ou 3 églises le dimanche dans la campagne, ensuite se retire dans la ville voisine où il disparaît pour 8 jours. C'est là une peinture généralisée, mais dont nous pouvons affirmer sans crainte que le révérend John Hawes a fourni les principaux traits, encore qu'il n'eût à desservir que la paroisse d'Ilkett Hall. Il semble même qu'il ait été pendant une grande partie de sa carrière ministre sans paroisse, bornant toute son activité sacerdotale à suppléer de temps à autre ses confrères de la région. Dans les registres de Bungay, où sa signature revient assez souvent, il est simplement qualifié « clerk ». Il faut sous-entendre « in the holy orders », dans les ordres sacrés. Ce fut seulement en 1794, juste l'année où Chateaubriand arrivait en Suffolk, qu'il fut pourvu du vicariat de Sainte-Margaret. Vous savez sans doute dans quelles conditions la chronique veut que M. Hawes ait été gratifié de cette prébende par le duc de Bedford. Écrivait à Wilton Rix, le 29 octobre 1861, un de ses correspondants de Denton, M. F. S. Basden. Il faut croire ou que Wilton Rix n'était pas au courant de l'anecdote ou qu'il ne la jugea pas digne d'être recueillie. Heureusement, le romancier Reader Haggard, qui possède près de Bungay un domaine où il joue volontiers au gentleman farmer, n'a pas imité le silence de l'historien de Beccles. Et voici en gros comme il compte la chose dans un volume d'impressions et de souvenirs intitulé « A Farmer's Year ». Donc, le duc de Norfolk, selon Basden, le duc de Bedford, n'estimant pas que ce fût assez pour sa gloire d'être un des plus riches seigneurs de son pays, se targuait d'en être aussi le plus formidable buveur. Certains jours que de passage dans ses terres de Bungay, il avait prié à dîner quelques-uns de ses vassaux et faisait montre devant eux de sa puissance d'absorption vraiment extraordinaire. Ceux-ci déclarèrent d'une voix unanime et plus ou moins pâteuse qu'il ne connaissait qu'un homme au monde capable de lui rendre des points. C'était déjà trop qu'il y en eût un. Qui cela, ou que je me mesure avec lui et que je le confonde? « Oh, pas loin d'ici, my lord !» Et ils nommèrent le révérend Hawes. Le lendemain, le duc était chez le clergyman. « Vous êtes, dit-on, sans rival au jeu de la bouteille. »« Il se peut. Eh bien, mon révérend, au premier de nous deux qui couchera l'autre sous la table. »« Je suis aux ordres de votre grâce. » Rendez-vous fut pris sur le champ, probablement à l'auberge des 3 tonnes. Ce fut un beau tournoi. Des fleuves de Porto coulèrent et furent taries. La victoire demeura indécise pendant des heures, mais à partir de minuit, il devint manifeste qu'elle penchait en faveur de l'Église. Finalement, sa grâce glissa de sa chaise, ivre morte, et John Hawes continua seul la conversation avec les bouteilles. Quand le matin parut, toutes celles qui composaient son lot étaient vides. Il sonna les gens de l'hôtel pour amasser le vaincu, et celui-ci, en recouvrant ses facultés, put entendre son adversaire, toujours assis à la même place, commander au butler un bon grog au brandy, histoire de se refaire un peu l'estomac après tout ce porto. « Hot and stiff, please. Hot and stiff, by Bacchus. » Le duc, émerveillé, se hâta d'offrir à cette forte tête le gouvernement d'une des multiples paroisses dont les titulaires étaient à sa présentation. Et voilà comment John Hives, pasteur in partibus, fut, si l'histoire est authentique, promu au vicariat de Saint Margaret Ilkets Hall. Ce n'était pas précisément une grâce prébende. En 1846, date de la publication des Antiquities of the County of Suffolk, la population de la paroisse s'élevait à peine au chiffre de 315 habitants. Mauvais payeurs de dîmes pour la plupart, et toute la dotation du ministre chargé du culte consistait en 40 acres, 23 perches, soit environ 16 hectares de terre labourable qu'il louait ou faisait cultiver. L'aspect de l'église était encore plus lamentable que de nos jours. Elle n'avait qu'une toiture de chaume si vieille et si délabrée qu'elle laissait filtrer la pluie, et le presbytère n'était guère plus luxueux que l'église. Joignez la solitude qui l'entoure, même de notre temps, l'air d'abandon du hameau désert, l'absence non seulement de vie sociale, mais presque de toute vie, et vous conviendrez que le vicariat de Sainte Margaret Ilkets Hall ne devait pas être un poste des plus recherchés. Tel quel, il n'en conférait pas moins à John Hives la dignité de chef de paroisse, qui était sans doute la seule chose qu'il ambitionna. Que la paroisse fût insignifiante, cela n'était nullement pour désobliger le nouveau ministre. Au contraire, il n'était pas ou n'était plus homme à faire du zèle. Il avait atteint la cinquantaine au moment où il recevait ainsi charge d'armes. Il lui agréait fort que les armes fussent peu nombreuses, puisque la charge en serait d'autant plus légère, sans compter que c'était âmes de manant avec lesquelles il était tout naturel d'en prendre à son aise. Quant à la modicité des revenus, que lui importait ? Lors même que les mémoires d'outre-tombe ne nous donneraient pas à entendre qu'il était riche, nous en aurions une preuve convaincante dans le testament par lequel sa femme, outre les biens considérables qu'elle laissait à sa fille, léguait aux filles de son frère, à titre de simple cadeau, la somme de 1000 livres sterling, c'est-à-dire de 25 000 francs. Enfin, qu'avait-il à se soucier du délabrement d'une église où il ne mettait le pied qu'une heure tout au plus par semaine, et de l'isolement d'un presbytère où peut-être ne le mit-il jamais? Il ne serait pas étonnant que le pasteur actuel de Sainte Margaret, contraint d'y vivre toute l'année, et de quelles pitoyables ressources, goûtât médiocrement le charme de cette villégiature forcée. Mais pour John Hives, c'était la paroisse rêvée, la paroisse idéale. Pensez donc. 3 000 seulement à franchir. Un temps de galop en hiver, l'été, une petite excursion champêtre, par des chemins ombreux, dans l'air salubre des hauteurs, avec, j'imagine, une collation bien arrosée, sous les pins mélodieux, au bord du ruisseau tout idyllique, qui sépare le cimetière du jardin vicarial. Par ailleurs, rien de changé aux habitudes quotidiennes, aux bonnes et confortables habitudes de Bungay. John Hives, avouons-le, l'avait pas mal choisi. Le Bungay d'alors était une manière de capitale en miniature qui avait sa saison, tout comme Londres. À 2-3 lieues à la ronde, il n'était pas de grand propriétaire terrien qui, pour peu qu'il se respectât, n'y eût son hôtel, ou du moins son appartement. Il en allait de même pour les recteurs des paroisses environnantes. Sitôt finies les chasses d'automne, chacun émigrait vers la ville, et les réunions, les dîners, les fêtes commençaient. Ceux qui n'étaient pas suffisamment installés pour recevoir chez eux retenaient une salle, une « assembly room », à l'auberge de la Tête du Roi ou à celle des Trois Tonnes. « J'ai près de moi une vieille parente, » dit Rider Haggard, qui se voit encore, toute jeune lady, se rendant à ses soirées d'autrefois, balancée dans sa chaise à porteur. On jouait aux cartes, on dansait. Mais c'était surtout pour les hommes des occasions de boire ferme. Il n'eût pas été d'un gentleman, c'est toujours Rider Haggard qui parle, de prendre congé de ses hôtes sans avoir amplement fait honneur à leur cave. Dans les règles du code mondain de Bungay, l'ivresse était de rigueur et les femmes avaient pour fonction essentielle, la gap close, de rentrer leur mari. John Hives, le hard drinker, n'était pas plus que ses confrères en sacerdoce l'ennemi de ces divertissements profanes. Nous avons à cet égard, dans l'essai, le témoignage un peu scandalisé de Chateaubriand. On ne peut se figurer l'étonnement des étrangers lorsqu'on leur apprend que les ministres anglois dansent au bal, donnent des fêtes, font des parties de vin et de femmes, que rien en un mot ne distingue leurs mœurs de celles de leurs compatriotes. Et il s'en afflige pour eux avec l'accent d'une réelle sollicitude, comme s'il avait vu luire au mur des Assembly Homes le Men, Tessel, Firth du protestantisme anglais, vu sous le jour philosophique. On ne saura blâmer le mode de vie qu'a choisi le clergé britannique. Considéré sous le jour religieux, il accélère certainement la chute du christianisme. Les lumières, l'érudition, la philosophie, la générosité que j'ai rencontrées parmi quelques membres de l'Église anglicane me font déplorer du fond du cœur la ruine où je vois que la force des choses et le train du siècle les précipitent. Il me semble impossible que leur manière de vivre s'accorde longtemps avec leurs grands revenus, parce que la première est d'eux et que les seconds sont du peuple. Si je parle sévèrement, qu'on m'excuse, j'ai fait profession de vérité. C'est par reconnaissance même que j'ose m'expliquer avec cette franchise, afin que le clergé cherche dans sa sagesse les moyens les plus propres à éloigner la catastrophe que je lui prédis. J'ignore si John Hives parcourut dans le texte imprimé l'ouvrage de son ancien hôte, si oui, il laissa les Simons et autres révérends s'insurger contre ces vaticinations à la Jérémie, et n'en persista pas moins, je suppose, à dormir de son sommeil communicatif dans sa tranquille maison de Bridge Street, au bercement des ondes à peine murmurantes de la Vavenay. Bridge Street, la rue du pont, la plus vieille et la plus pittoresque rue de Bungay, prend au bas de la place du marché, presque en face de King's Head, et dévale en pente rapide jusqu'à la rivière. Un peu avant le pont, le seul qui permit autrefois l'accès de la bourgade aux gens du Norfolk, s'ouvre à droite, derrière un portail, une cour profonde que prolonge un jardin touffu comme un verger. Elle est encombrée pour l'instant de matériaux de toute espèce et sert de lieu de débarras à quelques entrepreneurs. Mais des restes de corbeilles et de massifs montrent qu'elle fut jadis un parterre, une sorte de promenoir fleuri au pied du vaste corps de logis qui l'aborde sur tout un côté. Ce corps de logis est constitué par deux bâtiments soudés entre eux, quoique d'époques très différentes, et dont l'un le plus rapproché de la rivière garde l'aspect d'une vieille ferme assez coquette ou peut-être d'un moulin désaffecté, tandis que l'autre, un cube de briques rouges à toiture aplatie, prétend aux dehors monumentaux d'une demeure à l'italienne. Cette dernière construction, qui donne en partie sur la rue, est désignée à Bungay sous le nom de Maison Gardiner, Gardiner's House. L'ensemble du site est charmant, à la fois rustique et citadin, tout baigné de verdure et d'eau. Vous vous rappelez la suprême étape de Chateaubriand en Amérique et la description de la ferme européenne aux abords du Chillicothe, où, par le hasard d'un journal anglais tombé sous ses yeux, il apprit la fuite de Varennes, qui détermina, dit-il, son brusque retour au vieux continent. J'avisais, au bord d'un ruisseau, une maison américaine, ferme à l'un de ses pignons, moulin à l'autre. J'entrai demander le vivre et le couvert, et fus bien reçu. Mon hôtesse me conduisit par une échelle dans une chambre au-dessus de l'axe de la machine hydraulique. Ma petite croisée, festonnée de lierre et de cobaies à cloches d'iris, ouvrait sur le ruisseau qui coulait, étroit et solitaire, entre deux épaisses bordures de saules, d'aunes, de sassafras, de tamarins et de peupliers de la Caroline. La roue moussue tournait sous ses ombrages en laissant retomber de longs rubans d'eau. Des perches et des truites sautaient dans l'écume du remous, des bergeronnettes volaient d'une rive à l'autre, et des espèces de martins-pêcheurs agitaient au-dessus du courant leurs ailes bleues. N'aurais-je pas bien été là, avec la triste, supposée fidèle, rêvant, assis à ses pieds, la tête appuyée sur ses genoux, écoutant le bruit de la cascade, les révolutions de la roue, le roulement de la meule, le sassement du blutoir, les battements égaux du traquet, respirant la fraîcheur de l'onde et l'effleurage des orges perlées. Je ne voudrais rien affirmer, mais j'aurais presque la tentation de croire qu'en peignant cette jolie aquarelle sentimentale, ce n'était pas tant une vision transatlantique qu'un paysage d'outre-Manche que l'auteur des mémoires retrouvait dans son souvenir. Supprimer les sassafras et les tamarins, remplacez les peupliers de la Caroline par des peupliers tout court, rétablissez la roue absente et le barrage aboli qui la faisait mouvoir. Figurez-vous que les plantes grimpantes qui festonnent la maison principale sont en effet des cobaies à cloches d'iris. Et vous aurez le décor de la Gardener's House, tel ou peu s'en faut qu'il dût être voici quelque 113 ans, à l'heure où Chateaubriand, s'il n'y apprenait point la fuite du roi, y méditait sans doute mélancoliquement sur la nécessité de sa propre fuite. Il n'y a pas jusqu'à l'image de Charlotte Haves, mais n'anticipons point sur les événements. Bornons-nous à retenir pour le moment que c'est ici le cadre où vivait la famille Haves quand le jeune émigré français entra dans son intimité. Chapitre 3. Comment Chateaubriand fut introduit chez les Haves et à quel titre? D'après la tradition locale, il aurait tenu une classe à Bungay dans la maison de Bridge Street. Hypothèse à ce sujet. Chateaubriand mêlé à la vie des Haves. Personne qui composait la famille. Monsieur Haves, helléniste, mathématicien et voyageur. Charlotte Haves. Des plans d'études au roman d'amour. Il est à présumer que dès les débuts de son séjour à Beccles, Chateaubriand avait eu des élèves à Bungay. Nous avons vu que par l'intermédiaire des Sparrow, il avait été mis en rapport avec Mrs. Scott, une jeune femme de cette ville. Nous savons d'un autre côté par une note de l'exemplaire confidentiel qu'il fréquentait chez les Beddingfield, lesquels habitaient au mois d'été leur belle résidence de Ditchingham Hall sur la berge norfolkienne à 2 miles au plus de Bungay. Enfin, le recteur de Beccles n'avait pu manquer de le recommander tout spécialement au ministre de la région partant de John Haves. Et ce fut là, je pense, l'origine de ses relations avec le peu ascétique vicaire de Sainte-Margaret. Lui-même nous laisse entendre en ses mémoires qu'il était amicalement reçu dans la maison bien avant cet hiver historique de 1795-96, où par une suite de circonstances que nous examinerons, il fut de la part des Haves l'objet d'une sollicitude dont le souvenir devait le hanter longtemps après, à la fois comme un délice et comme un remords. Il nous dit pareillement, quoique en termes voilés, ce qu'il y venait faire. La young lady me questionnait sur la France, sur la littérature, elle me demandait des plans d'études, elle désirait particulièrement connaître les auteurs italiens, et me pria de lui donner quelques notes sur la Divina Commedia et sur la Jérusalem. Dépouiller ce langage de tout artifice, n'est-ce pas comme si Chateaubriand nous disait qu'il venait donner des leçons de français, voire d'italien, à la jeune fille de la maison? Ce qu'il ne nous dit pas, en revanche, c'est qu'indépendamment des leçons qu'il corportait ainsi dans les familles, soit en ville, soit à la campagne, il tenait ici, dans une chambre louée à cet effet, une véritable école où, 2 ou 3 heures peut-être par semaine, et tout en continuant ses fonctions de Beccles, il se faisait l'instituteur des enfants de Bungay. Or, la tradition locale est formelle sur ce point, et je ne parle pas seulement de la tradition orale, mais de la tradition écrite. Consultez l'ouvrage de William H. Dutt, intitulé « Some Literary Associations of East Anglia » et vous serez édifié. Vous y verrez qu'il n'y avait pas jusqu'au surnom de M. Chatterbane qui n'eût suivi le jeune maître parmi les écoliers de Bungay. Mais vous y releverez surtout ce détail, de beaucoup le plus propre à nous intéresser, que la chambre dont Chateaubriand se servait comme de classe était située où? Dans la vieille maison en briques rouges de Bridge Street, c'est-à-dire sous le même toit que les Haves. Comment le French teacher de Beccles avait-il été amené à fonder dans la ville voisine cette manière de succursale, c'est ce que l'on s'expliquera peut-être si l'on n'a pas oublié que dans les derniers jours de 1794, M. Bradley avait quitté la direction de la Bradley School pour s'établir à Bungay comme imprimeur. M. Bradley avait vu à l'œuvre le protégé de Deboeuf. Il avait été à même de contrôler les résultats de son enseignement et peut-être n'avait-il pas apprécié seulement les mérites du professeur, mais aussi le commerce de l'homme. D'autre part, il était amplement fixé sur l'état toujours précaire de ses finances. Pourquoi ne se serait-il pas employé à lui ouvrir en quelque sorte un nouveau débouché dans la ville où il avait transporté ses pénates et dont il était présentement un des citoyens les plus considérables? Depuis de longues années déjà, Bungay possédait une grammar school florissante qui se glorifiait d'avoir compté le poète Crabbe au nombre de ses élèves. Il y avait là les éléments d'une classe pour Chateaubriand. Il est permis de supposer qu'un beau matin, comme il était de passage à Bungay pour une de ses « teaching expeditions », M. Bradley lui tint à peu près ce discours « J'ai causé de vous avec mon collègue d'hier, le directeur de la Grammar School. Il se croit en mesure de vous garantir une douzaine de disciples. Arrangez-vous pour trouver une pièce où les réunir. » Simple conjecture, sans doute, mais qui n'a rien que de très vraisemblable. Et Chateaubriand louait la chambre en question, à laquelle, dit William Haddott, son nom reste désormais attaché au second étage de la vieille maison de Bridge Street, dont les Hives occupaient les autres pièces. S'il se décida pour ce logement, ce fut, j'imagine, à l'instigation des Hives, qui peut-être le lui concédèrent à titre gracieux. En tout cas, le voici comme mêlé à leur vie. Il est de la maison, presque de la famille. Déjà du temps qu'il n'y paraissait encore qu'en donneur de leçons, il note avec gratitude qu'il y était mieux reçu que partout ailleurs. Maintenant, les rencontres sont plus fréquentes et moins brèves. On se croise dans la cour, dans l'escalier, on se rend mille menus services réciproques, on échange à tout propos de ces riens qui finissent par tisser des fils imperceptibles entre les âmes. Le plus souvent, après sa journée de labeur, le jeune maître, au lieu de rentrer à Beccles sous la tombée hâtive du crépuscule d'octobre ou de novembre, préfère passer la nuit dans son pied-à-terre de Bungay. Les Hives, qui le savent seuls là-haut, se disent « si nous l'invitions à dîner avec nous, sans façon ». Il ne se fait prier que juste le nécessaire. Au fond, il est ravi d'accepter. Sa sauvagerie ne se hérisse que chez les grands. Les Hives sont des gens bien nés, d'aisance large, ayant toute la respectabilité de la catégorie sociale à laquelle ils appartiennent. Ce ne sont pas des grands. Ils mènent une existence copieuse, mais sans faste. Ils ne visent ni à l'étalage, ni au fracas. Loin de se sentir dépaysés dans leurs habitudes, l'exilé respire à leur foyer quelque chose de l'atmosphère dont s'égayait le château paternel, aux rares jours où l'on y traitait des gentilshommes de passage, le marquis de Montlouette, le comte de Goyon-Beaufort allant plaider au Parlement de Bretagne. Il a l'impression, particulièrement rassurante pour une nature ombrageuse comme est la sienne, que si on lui fait volontiers accueil, c'est que sa présence fait plaisir. Il n'est pas un objet de curiosité, mais de sympathie. Son inquiétude douloureuse, sa méfiance exaspérée s'évanouissent. Il n'a plus à se préoccuper de sauver son caractère. Il se livre, il s'abandonne, il est lui, c'est-à-dire un être de poésie et de séduction, le plus prenant des hommes, un vrai conquérant d'âme, et content de lui-même, il est enchanté des autres. Le groupe familial des Hives formait au reste un trio des plus aimables. Mrs. Hives, la femme du pasteur, sœur aussi de pasteur, s'appelait de son nom de jeune fille Sarah Williams. Au moment de sa mort, en 1822, elle avait, d'après son épitaphe, 69 ans. Elle avait donc dépassé la quarantaine lorsque Chateaubriand l'a connue. Au témoignage des mémoires, elle était encore dans l'éclat de la jeunesse, la seconde jeunesse tout au moins. Ils nous la dépeignent, charmante de figure, d'esprit et de manières, ils vont même quelque part jusqu'à la dire séduisante. Pour un peu, semble-t-il, les hommages de René se fussent adressés à la mère presque autant qu'à la fille avec qui elle rivalisait de beauté. Elle ne mit au surplus sa coquetterie qu'à se montrer pour le fils de l'exil la plus attentive des maîtresses de maison et, le cas échéant, la plus dévouée des gardes-malades. Quant au révérend John Hives, s'il est surtout demeuré dans le souvenir de ses concitoyens, sous les traits un peu chargés d'un puissant videur de bouteilles, d'une sorte de curé de Meudon à la manière britannique, c'est peut-être qu'ils n'étaient pas aptes à saisir ou à briser en lui que les côtés par où il leur ressemblait. Il en avait d'autres, moins appréciables pour les squires de son pays, mais qu'il était davantage aux yeux d'un Chateaubriand. Celui-ci nous le vante comme un homme instruit, aimant et cultivant les lettres à l'égal des sciences, à la fois grand helléniste et grand mathématicien. Chateaubriand, bourré de grec, avait par-dessus le marché la prétention d'être fort en mathématiques pour lesquelles il avait toujours eu un penchant décidé, y apportant une clarté de conception qui, dès le collège de Dole, excitait l'étonnement de son professeur. C'était donc là deux domaines faits pour rapprocher ces deux esprits, et il y en avait un troisième où se devait nécessairement consommer la fusion. nous avons vu que John Hawes attendait encore au commencement de 1794, c'est-à-dire dans la 50e année de son âge, d'être pourvu d'un vicariat. La cause en avait été pour beaucoup qu'il s'était expatrié de bonne heure pour exercer le ministère ecclésiastique à l'étranger et qu'il n'était guère revenu dans le Suffolk que passé la trentaine, à temps pour épouser la belle Sarah Williams et donner lettre à la délicieuse Charlotte, mais un peu tard pour trouver place dans la hiérarchie cléricale de son pays. Or, en quelle contrée lointaine avait-il promené son apostolat de missionnaire? Sur quels bords exotiques avait-il été voyageur? Précisément dans cette Amérique d'où Chateaubriand rentrait lui-même et dont, à l'instar de ses ancêtres celtiques, les légendaires pèlerins aux terres de promission, il gardait encore sur lui le parfum. Seulement là où son jeune émule n'avait pu que parcourir en hâte quelques cantons déjà trop civilisés, le ministre avait séjourné des mois et des années parmi les grands spectacles du monde primitif, de l'authentique Nouveau Monde. Il s'était enfoncé dans les savanes, il avait descendu les fleuves en pirogue, il avait vécu sous la joupa, fumé le calumet, longuement pratiqué cet homme sauvage dont l'auteur des Natchez, en partie esquissé dès lors, se proposait d'écrire l'épopée, accompli en un mot toutes les prouesses que le cadet de Bretagne n'avait réalisées qu'en rêve. On conçoit sans peine de quel intérêt devait être pour l'émigré la conversation d'un hôte aussi renseigné sur le sujet qui lui tenait le plus au cœur. Ajoutez que c'est selon toute probabilité, dans la bibliothèque de John Hawes et sur ses indications, que Chateaubriand feuilleta de près les relations américaines d'un Carver, d'un Bartram, qui, avec les œuvres de Raynal, de Charlevoix et quelques pages des lettres édifiantes, ont inspiré tant de brillants motifs. Je ne dis pas seulement des Natchez, mais d'Atala, mais du génie du christianisme, pour ne parler ni du voyage en Amérique, ni des mémoires d'outre-tombe. Voilà, n'est-ce pas, pour le pauvre banni, d'assez bonnes raisons de se complaire dans la société de ces braves gens. Et il me reste à faire valoir la meilleure, la plus décisive, vous avez nommé Charlotte. Les registres de Sainte Mary mentionnent ainsi son baptême à la date du 10 mars 1780. Charlotte, fille de John Clement et Sarah Hawes, Claire, née le 9. Sur la fin de 1795, vers l'époque où le French Teacher de Beckles installa une classe dans la maison de Bridge Street, elle avait donc bien les 15 ans que lui donne l'auteur des mémoires. C'était, dit Hyder Haggard, une jolie et charmante young lady avec de grands yeux sombres, large dark eyes, dont on se rappelle encore la flamme dans le voisinage. Ce que les mémoires d'outre-tombe ont surtout retenu d'elle, ce sont ses cheveux noirs et ses beaux bras, aussi blancs qu'une chaîne de lys. Mais si vous désirez une image d'ensemble, ouvrez les Natchez et voyez la première apparition de Charlotte, je veux dire de Tselouta, dans la vie de René. Une jeune fille parut à l'entrée de la cabane, sa taille haute, fine et déliée, tenoit à la fois de l'élégance du palmier et de la faiblesse du roseau. Quelque chose de souffrant et de rêveur se méloit à ses grâces presque divines. Les Indiens, pour peindre la tristesse et la beauté de Tselouta, disent qu'elle avoit le regard de la nuit et le sourire de l'aurore. Ce n'est point encore une femme malheureuse, mais une femme destinée à le devenir. Tselouta entre en rougissant dans la cabane, passe devant les étrangers, se penche à l'oreille de la matrone du lieu, lui dit quelques mots à voix basse et se retire. Sa robe blanche d'écorce de mûrier ondoyait légèrement derrière elle et ses deux talons de rose en relevoient le bord à chaque pas. Vous avez, je pense, salué au passage le regard de la nuit, traduction en style pseudo-indien du Large Dark Haze. Quant aux grâces presque divines de Tselouta, Chateaubriand les retrouvait encore 27 ans plus tard dans Charlotte devenue Mrs. Sutton. Elle n'était point née du sein d'une autre femme, sa beauté portait l'empreinte de la main divine qui l'avait pétrie. Au moral, il la représente inclinée à la tristesse. Elle est là, triste. Peut-être lui prêtait-il un peu de sa propre mélancolie, mais d'autre part, si l'on réfléchit à la vie sans horizon que Charlotte avait dû mener jusqu'alors entre son père et sa mère dans le Bungay de ce temps-là, qui aux hommes même n'offrait que des distractions assez grossières, on ne s'étonnera pas qu'une jeune fille intelligente y ait été sujette aux atteintes de cette maladie d'ailleurs nationale, le spleen. Car Miss Hyde était intelligente et son père avait du moins utilisé quelques-uns de ses innombrables loisirs à lui orner l'esprit. Chateaubriand va jusqu'à lui décerner l'épithète de « savante », comme Françoise de Rimini et Paolo Malatesta, les deux héros de cette divine comédie qu'ils expliquaient ensemble, ce fut en penchant leur front sur le même livre qu'ils se prirent mutuellement le cœur. Admis chez les Hayes, dans le principe, pour enseigner le français à leur fille, l'émigré ne s'acquitta pas trop mal de sa tâche, s'il est vrai qu'à Londres, en 1822, son ancien élève pouvait lui dire « My lord, je vous parle à présent dans la langue que j'essayais avec vous à Bungay ». Peu à peu, les leçons s'étaient naturellement prolongées en causerie. Miss Hayes était curieuse de littérature. Chateaubriand n'avait pas de plus grand plaisir que d'en disserter. Il ouvrit pour son élève ses carnets, lui communiqua ce qu'il appelle des plans d'études. C'étaient, je suppose, les notes qu'il avait rédigées pour son propre compte, au hasard de ses lectures et de ses engouements. Elles contenaient sans doute, avec ses réflexions personnelles, des morceaux choisis de ses poètes de prédilection. Il nous raconte que Charlotte, qui les avait conservés, les lui rapporta plus tard quand il la revit. Ces notes ont certainement existé puisque Villemain parle des extraits qu'on en peut lire comme s'il les avait eus sous les yeux. Il les déclare même innocentes, irréprochables, et se montre un peu surpris que ce commerce discret et sévère ait eu des effets tellement puissants sur l'esprit de la jeune Anglaise. Il est clair que s'il n'y avait eu que les plans d'études, Villemain oublie qu'il y avait aussi la façon de les présenter. C'est un art où Chateaubriand ne laissait pas, dès cette époque, de posséder quelques maîtrises. Et le plus surprenant eût été que la toute jeune fille de John Hives subit, sans en recevoir une vive et profonde impression, les prestiges de cet incomparable magicien du sentiment qui, vers le même temps, écrivait de lui-même « Aimer et souffrir était la double fatalité qu'il imposoit à quiconque s'approchoit de sa personne ». Jetée dans le monde comme un grand malheur, sa pernicieuse influence s'étendoit aux êtres environnants. C'est ainsi qu'il y a eu de beaux arbres sous lesquels on ne peut s'asseoir ou respirer sans mourir. Commenté pour une telle écolière par un tel professeur, les plans d'études ne pouvaient qu'aboutir au roman d'amour.